Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de l'exo. In R.I.G. 90.7. Le chercher plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Apprends-moi la main! Toi, mon petit Pékin! Oh oui, viens avec moi! Apprends nos traits, ne vont pas! Salut, c'est Eric, bienvenue sur Érigé, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Érigé sur la bande FM 90.7 si vous êtes sur Bordeaux et le rigfm.fr si vous l'écoutez partout d'ailleurs que sur Bordeaux. Mais vous l'écoutez sur Bordeaux, bien entendu, aussi, évidemment, hein, on ne sait jamais. Si vous êtes sur votre ordinateur, un truc comme ça, bien sûr. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 392e émission Johnny de A à Z sur RIG. Et aujourd'hui, je vous propose un album que je n'ai jamais diffusé dans cette émission. Il a été diffusé en live. Pourquoi ? Parce que la majeure partie de cet album-là, c'est du live. Oui. L'album s'appelle Destination Vegas. Et il est sorti le 12 décembre 2006. Dans la lignée des rocks les plus terribles de 1964 et de Rock à Memphis en 1975, cet album, Destination Vegas, est une réussite à tout point de vue. Hormis Chanté pour toi, original à la gloire des Indiens, écrit par David Hallyday et Étienne Roudagil, l'ensemble est composé de reprises de classiques du rock, dont deux en version originale, High Heel Sneakers de Jerry Lee Lewis et Love Me Tender de Elvis Presley. Pour mémoire, ces deux standards ont été interprétés en français par Johnny sous les titres respectifs Plus je te regarde en 1964 et Amour d'été en 1967. Philippe Labro reprend sa plume d'adaptateur et signe Comme un rock, traduction inévitable de Like a Rock de Bob Seger, qui sied parfaitement à Johnny. Et Johnny, petite rock'n'rolleuse d'après Sweet Little Rock'n'Roller de Chuck Berry, Keddie Mitchell, avait transformé en 1976 en sirop rock'n'roll un an avant d'interpréter Sur la route de Memphis, That's How I Got to Memphis de Tom T. Hall, reprise ici par l'ancien chapardeur de la Trinité. Mais c'est surtout Jean Foc, complice d'Alain Bachung, et nouveau venu dans l'univers Hallyday qui domine l'album avec 7 adaptations sur les 14 proposées au départ, respectant parfaitement l'esprit des originaux. Je vais te secouer, Not Fade Away de Buddy Holly, popularisé en 1964 par les Rolling Stones avec Phil Spector au maracas. Miss Cloudy, Loudy Miss Cloudy de Lloyd Price. Memphis est trop loin d'ici, Memphis Tennessee, donc de Chuck Berry, moins brillamment adapté en 1975 sous le titre Memphis USA. Money Money de Money Honey des Drifters via Elvis Presley, déjà interprété par Johnny en version originale et en live dès 1961. La ville des âmes en peine, paru en single, ainsi que deux excellentes reprises des Creedence Clearwater Revival dans le Bayou, Ball on the Bayou et Rouler sur la rivière, Proud Mary, dont on connaît au moins deux transcriptions françaises, Roule par Claude François et Roule pas sur le Reverse de Dick Rivers, bien entendu. On va découvrir toutes ces chansons au fur et à mesure de cette émission, car cette émission sera intégralement consacrée à cet album-là, ainsi qu'avec le live. Et on aura aussi des petites versions capté là-bas, à Los Angeles, ce 25 novembre 1996. On va comparer quelques chansons, oui, parce que Johnny, vous le savez, a repris certains titres parce qu'il n'était pas convaincu de l'interprétation qu'il avait donnée lors de cet essai final et seul essai, ce one shot, donc lors de ce concert. Il a repris 3 jours après ce concert. Et voilà, il y aura peut-être des petites comparatifs. Ça sera amusant ou cocasse d'écouter ça. Et si on commençait tout de suite par la première chanson de cet album-là, Destination Vegas, c'est le titre Fade Away de Buddy Holly, traduit par Je vais te secouer. Bonne soirée à toutes et à tous sur RIG. Vous écoutez Johnny de A à Z. Calling down. Destination Vegas est l'album de la semaine ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Lors des shows de Bercy 95, chaque spectateur a pu trouver sur son siège un flyer l'invitant à se déplacer dans la ville du rêve, Las Vegas, pour un show de Johnny. Étonnante invitation qui rencontre un succès inattendu. Il faut changer rapidement de casino, quitter le Riviera, trop petit, pour l'Aladdin Theater. En dépit du prix élevé de voyage, ce sont plus de 6000 fans qui s'apprêtent à traverser l'Atlantique pour le plus grand charter de l'histoire du rock'n'roll. Jean-Claude Camus ne s'occupe pas de la production du show, mais il transforme sa société de production en agence de voyage. Ce n'est pas une mince affaire que de faire voyager souvent pour la première fois 6000 fans dont beaucoup ne parlent pas anglais et pour des séjours à durée variable. L'aviation française se met au diapason, les aéroports affichent Johnny Hallyday, les avions affrétés pour ce voyage fait unique portent le nom d'une chanson de Johnny Hallyday. Le 18 novembre 1996, le premier avion de l'opération Destination Vegas décolle de Roissy, baptisé O'Carroll, et pendant les 13 ou 14 heures de vol, l'ambiance dans les charters est très rock'n'roll. On dit divulguera tout à l'heure un peu tous les noms que dont étaient rebaptisés tous les avions au cours de cette émission. On va retrouver Johnny Hallyday en live et ça c'est apparu dans le concert de l'Aladdin Theater en 2003, je vais y arriver, 2003. Voici deux titres, Je suis dans la rue et Comme un fou. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Spécial Live Las Vegas, Aladdin Theater, Johnny Hallyday, en 1996. Mes musiciens, le groupe est formé aux guitares de Robin Le Mesurier, Shane Fontaine, guitare basse Phil Sousson, clavier Tim Moore, à l'orgue In Cule, à l'harmonica Christophe Dupeux, au saxophone Jimmy Roberts, à la batterie, at the drums, Mr. Ian Wallace. La deuxième voix du groupe s'appelle Eric Bami. Quant à moi je m'appelle Jean-Philippe Smet. Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. À la soir de juin, en 1943, je suis dans la rue par une nuit d'orage. sur ma mère travailler pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir, le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais, j'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Mes poings se sont serrés depuis, je n'ai pas changé. Moi, je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Et quand la nuit arrive, moi je me tourne dans la rue. Oui, je suis né, et dans la rue, dans la rue. Je dîne chez les rois. On me choisit mes amis, tu sais, les meilleurs qu'ils soient. Oui, on voudrait me faire changer, mais c'est une cause perdue. Vous perdez votre temps, moi je retournerai à la rue. Parce que je suis né, moi je suis né dans la rue. Oui, dans la rue. Concert Las Vegas, ici sur l'antenne de RIG. Voici la chanson Comme un fou qui ne figure pas sur le DVD. Non, non, il figurait, on l'a vu uniquement que lors de la diffusion à la télévision en 1996. Sur le trottoir en face, je la vois passer. Elle mange une glace et elle n'est pas pressée. Oh, oh, oh, elle me sourit. Comme ça, oh oui, moi je suis comme un fou. Moulé dans un t-shirt et la vue utilisée. Elle a les yeux nacés et ses cheveux sont dorés. Oh, oh, oh, oh. Elle me sourit, oh oui, oh, oh. Oui, une fille comme ça, oh oui, moi je suis comme un fou. Si certes ne veut rien cacher, tout ce que j'ai, si elle veut, je lui donne une contrefaçon au téléphone. Elle me fait un signe de la main. C'est pour moi, elle m'appelle, salut les copains. Oh, oh, oh. Elle me sourit, oh, oh. moi je suis comme un fou. Jean-Philippe Smet se devait de se produire à Las Vegas pour honorer son pseudonyme d'artiste Johnny Hallyday. Le plus fort, c'est qu'il emporta avec lui dans ses bagages des milliers d'admirateurs. En effet, c'est devant plus de 5000 fans venus spécialement de France que Johnny donne ce tant attendu concert à Las Vegas le dimanche 24 novembre 1996 à partir de 20h dans une salle consacrée habituellement aux artistes country, l'Aladdin Theater. Il fallait concevoir autre chose après le triomphe démesuré du Parc des Princes, estime Jean-Claude Camus. Pas quelque chose de plus fort, car c'était impossible, mais quelque chose de différent. Des avions charter ont été affrétés pour transporter les passionnés à 10 000 km de la France dans le fief du tennisman André Agassi, dit le Kid de Las Vegas. Des avions portant chacun le titre d'un succès de Johnny, Que je t'aime, dans lequel l'animateur Jean-Pierre Foucault célèbre son anniversaire, Laura, Hey Joe, Dadou Run Run, l'idole des jeunes, Oh Carole, Retiens la nuit, Ma gueule, Gabriel, Mirador, Quelque chose de Tennessee, Mon petit loup, Ima l'amour, Diego, 24 000 baisers, Tes tendres années, Lorada, Noël interdit, L'envie, Je serai là, Cette fille-là, c'est pas vraiment un tube, hein, Johnny. Aimer vivre, Amour d'été, Souvenir. Et le premier avion de l'opération Destination Vegas, Oh Carole, s'est envolé de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle le lundi 18 novembre à 11h55. Voici encore deux titres de l'album de la semaine. Destination Vegas, Memphis c'est loin d'ici et la ville des âmes en peine. Allons l'international, je vous en prie, aidez-moi. Son message me fait mal, ici je n'ai que sa voix. J'ai même pas son numéro, elle m'a juste dit qu'elle s'ennuie. Qu'elle ne se fait pas amie à Memphis, Tennessee. Je n'ai que son prénom mêlé. Elle chante le blues, le country le soir dans un club de Bell Street. Elle m'a dit je suis à l'hôtel, j'étais assoupi. D'ici j'ai vu sur le ciel et ville des hommes en peine, où vont traîner ceux qui s'aiment. Et quand l'amour qui va mourir voit s'enfuir l'avenir, la boutique au souvenir vous y vendra vos désirs, et on y trouve un rêve ou deux pour se croire presque heureux. Dans la ville des âmes en peine, je traîne avec mes chaînes. Et dans la ville des âmes en peine, loin de toi, oui, mes pas m'emmènent. Dans cette ville où tout s'achève, Les hommes en peine, une chanson de Ricky Nelson, et cette chanson a été retravaillée pour l'occasion pour cet album Destination Vegas. La version live ne plaisait pas, donc Johnny l'a refaite 3 jours plus tard. En effet, Johnny était atteint d'une trachéite le jour du concert, par malchance. La suite un peu, on parle de Las Vegas. Las Vegas est un pari fou pour l'artiste Johnny Hallyday et pour son producteur Jean-Claude Camus sur une idée de leur ami Norbert Allman. Il avait déjà organisé le second mariage de Johnny avec Adeline dans la cité du jeu, du spectacle et de la démesure. 23 personnes ont travaillé durant 6 mois à temps complet sur la préparation de ce show. Si ces touristes fans français viennent de toutes les catégories sociales pour partager le rêve insensé d'aller voir leur idole à Las Vegas, dans la bonne humeur selon le personnel de bord des avions, nombreux sont ceux qui ont cassé leur tirelire, fait de terribles sacrifices, investi toutes leurs économies ou se sont privés de congés l'été précédent pour payer le voyage, manqué leur cours pour pouvoir venir, et parfois, des copains se sont cotisés pour leur offrir ce beau cadeau d'anniversaire. Le forfait de base est de 7000 francs, donc converti, mais bon, la valeur n'est plus pareille, hein, c'était 1050 euros exactement, plus 300 francs pour les frais de dossier, l'équivalent de 45 euros aujourd'hui, mais bon, comme je dis, l'époque, il y a presque 30, il y a plus de 20 ans de ça, c'est plus pareil, hein, la valeur n'est plus du tout la même. Comprenant l'aller-retour Paris-Las Vegas, deux nuits d'hôtel et l'entrée de la salle de spectacle du Casino Riviera. La place de concert seule est vendue à 2300 francs. À peu près. Alors donc, si on convertit, ça fait du 345 euros. Hein. Et des extensions telles que le circuit Las Vegas, Los Angeles, San Francisco sont aussi prévues, comme par exemple une balade excursion dans la vallée de la mort. Il a plu, pas de peau. Ce qu'on est depuis un siècle de mémoire d'Indien Navarro. Et une fan est interviewée pour l'occasion à son arrivée à Las Vegas. C'est mon idole et je vis au travers de ses chansons. Et mon rêve, c'est une fois le rencontrer, de pouvoir lui serrer la main. Exactement. Vous n'avez jamais réussi à le toucher? Non. Jamais. Et là, le suivre à Vegas, comme ça? Ça, c'est un rêve. Comme ils disent, c'est un rêve américain. C'est... Grâce à lui, je suis venue en Amérique, ou sinon, parce que je ne suis pas très riche. Et... C'est trop de choses à la fois. Et vous avez vu Las Vegas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est immense, c'est magnifique, c'est un rêve. Vous attendez beaucoup du concert de Johnny? Moi j'adore Johnny, il chanterait même sans musicien, sans orchestre, il chanterait avec sa guitare, pour moi c'est Johnny et... C'est le king. Eh oui, Johnny c'est le king, on le retrouve à l'Alan Theater, Johnny Hallyday, ce 24 novembre 1996, avec Johnny Revient. Et juste après, il y aura aussi Frankie and Johnny. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Yeah. cela. Destiné à la réussite de cette grande fête, le répertoire de Las Vegas est ciblé vers les puristes en raison du 40e anniversaire de l'émergence du rock'n'roll. La faute, pas de chance, le matin du 24 novembre, on doit faire des piqûres de cortisone à Johnny quasiment à faune. Dans son autobiographie Destroy 3, le rocker analysera. Comme d'habitude, avant chaque rendez-vous capital avec mon public, je commence à avoir mal à la gorge. Je connais malheureusement trop bien l'évolution du processus. Le stress me déclenche une angine blanche qui dégénère irrémédiablement en trachéite. Comme à chaque Bercy, comme au Parc des Princes. Voilà, casser la voix comme dirait Patrick Bruel. Et un journaliste interrogeait Johnny Hallyday au sujet de son répertoire pour ce concert de Las Vegas. Les minuit actuellement dans le Nevada. Et juste avant d'entrer en scène, Johnny dévoilait à notre envoyé spécial Michel-Nicolas Salal ce qu'il comptait proposer à ses fans. Ça va pas être le concert normal que je fais où je chante mes tubes. J'ai fait vraiment un tour de chant spécial où je fais beaucoup de chansons, d'ailleurs des clins d'œil à Buddy Holly, à Presley, à Creedence Clearwater Revival, à Chuck Berry, à tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas des chansons traditionnelles de mes tours de chant à moi. C'est vraiment à 95% vraiment que du rock'n'roll. C'est-à-dire que si les gens ils viennent en s'attendant à ce que je leur chante mes derniers tubes, c'est pas ça que je fais. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'anniversaire des 20 ans de la mort d'Elvis. Et deuxièmement, c'est l'anniversaire des 40 ans du rock'n'roll. Et en plus, c'est Vegas. Donc je ne peux pas leur chanter, par exemple, Derrière l'amour. Il faut que je leur chante du rock'n'roll, tout simplement. Tout simplement, et puis donc c'était trompé d'une année sur la mort d'Elvis Presley. On revient à l'album de la semaine, Destination Vegas, avec le titre « Né dans le Bayou ». Johnny Hallyday sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ils ont fait de moi la vie, c'est tout récord. bonne adaptation de cette chanson des Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou. À présent, je vais vous faire écouter une petite différence entre deux titres. High Heel Sneakers, une version qu'on retrouve sur l'album Destination Vegas, hein, une version moins réenregistrée, et en même temps la version originale, celle qu'on entendait lors de ce concert à Las Vegas. Et puis on va enchaîner les deux, l'une à la suite. Voici la version Las Vegas en direct, et puis après vous aurez la version retravaillée. Rire. Ouais, ouais, ouais. Toujours sur RIG, vous écoutez Johnny de A à Z et on parle de ce concert à Las Vegas à l'Adam Theater. Voici la version maintenant de l'album Destination Vegas, sorti le 12 décembre 1996. We'll be right back. Clash, 24 novembre 1996. Après avoir fait la une de trois magazines américains, Las Vegas Today, Tour Guide et Vegas Visitor, celui que l'on surnomme ici l'Elvis Presley de France, accorde une interview en anglais sur CNN, puis réalise un vieux rêve en se produisant au Casino Hotel Aladdin de Las Vegas lors d'un concert exceptionnel donné devant un parterre de fans francophones parmi les plus assidus, auxquels se sont joints quelques proches célèbres, David et Estelle, Mimi Mati, Lynn Renault, Philippe Labro, Tiki Elgado, Jean-Louis Fouquet, Jean-Pierre Foucault. Et le rêve pourtant prend une allure de cauchemar. Depuis quelques jours, le chanteur souffre d'une angine blanche transformée en trachéite. C'est à coup de piqûres de cortisone dans la gorge qu'il est arrivé à bout des répétitions et qui s'apprête à entrer sur scène, coiffé d'un Stetson et vêtu d'un ensemble très Vegas. Cache-poussière doublée d'imprimés cosmiques bleu électrique et argent sur une veste de soie et satin en stretch moulant avec des plaques de métal argenté et jogger assorti, le tout confectionné par le couturier parisien Léonard. Ni décor, ni effets spéciaux pour ce concert hommage aux pionniers du rock. La scène est dépouillée, habillée seulement du jeu de lumière dirigé par le fidèle Jacques Rouvérolis. 3 heures de rock'n'roll à l'hôtel Aladdin, mais beaucoup trop de chansons nouvelles, 13 au total, qui déconcertent un public habitué à des programmes émaillés de tubes. Le spectacle n'a pas été assez répété, le public ne peut pas bouger comme en France, la sécurité américaine est peu maniable. Il démarre sur « Tu ne peux pas trouver mieux ailleurs » qu'il enchaîne avec « Rock'n'Roll Man » en hommage à Elvis, après « Comme un fou » et puis en interprétant « Love Me Tender », il réalise qu'il doit gagner ce match à l'arraché. « Je me conduis comme un boxeur qui ne mange jamais avant son combat. Un rocker aussi doit être affamé pour avoir la pêche », dit Johnny. Il assure avec « Né dans le bayou », »,« Jolie petite rock'n'rolleuse », »,« My baby, let's me », une chanson qu'on n'a pas du tout dans les lives, aussi bien à la Destination Vegas que au concert de l'Aladin. Mais on va l'écouter ce soir, bien sûr, oui. Suivi après de « Quand ça vous brise le cœur ». Et ici, reprend deux fois pour « Chanter pour toi ». Il y a eu un problème de bouteille d'eau qui n'arrivait pas. Du coup, j'ai raté l'intro. Comme on a enregistré, j'ai dû recommencer. Et quand on va écouter l'extrait, ce n'est pas l'intro qu'il a raté, voilà. Et notre rocker retrouve le sourire avec Gabriel, fait frissonner le public avec Comme un rock. Après High Heel Sneakers et Sur la route de Memphis, il atteint la plénitude avec Elle est terrible et Johnny revient, oui, chanson beaucoup plus facile, à chanter. Je vous parlais donc de la chanson Chanter pour toi où Johnny se reprend deux fois pour la faire. Eh bien, à un moment, il y a un petit solo guitare et puis il se plante pour la reprise de la chanson. Vous savez quoi? Eh bien, on va écouter les deux versions. Vous les connaissez? Non? Non? Non? Il y en a qui la connaissent, mais il y en a d'autres qui ne la connaissent pas. Eh bien, on va écouter ça. Alors, excusez-moi, la qualité audio, vu que c'est un document amateur, n'est pas aussi bonne que tous les autres titres qu'on peut écouter, extraits des CD. Oui, parce que ça n'existe pas encore en album. Voilà. Vous écoutez toujours RIG et l'émission Johnny de Mazed avec une émission spéciale Las Vegas Aladdin Theater. Voici donc la chanson « Chanter pour toi » écrite par, composée par David Hallyday et écrite par Étienne Rodagil. Avant de vous chanter, c'est une nouvelle chanson que je n'ai encore jamais chantée avant. C'est une chanson que m'a écrit mon fils David Hallyday. Spécialement pour ce spectacle. Ce sont des paroles d'Étienne Rodagil. Pour vous expliquer un petit peu le sens de la chanson. Il s'agit d'un peuple. Un peuple d'Indiens, si vous aimez les Indiens. Quand le soleil se couche, c'est notre peuple qui s'éclaire. À l'horizon, ce sont nos montagnes, nos rivières. C'est toute la plaine. Thank you. comme c'est la première fois qu'on le fait, cette chanson, on s'est un peu planté, comme vous avez pu le voir. Et au moins, on enregistre en même temps pour le début. Je vous propose qu'on la fasse. Chantez pour toi, deuxième prise. Et la version que nous connaissons n'est pas du tout celle que nous écoutons sur les lives. Ni sur l'album Destination Vegas. Alors, il y a une ce sont nos montagnes, nos rivières. C'est toute la peine. Il n'y avait qu'une ronde de bourreau. Cela est, et sous la route que tu cherches, tu te lèves en toi. rude combat qu'a dû mener Johnny Hallyday pour interpréter ce titre, tout comme les autres titres de cette soirée. Et donc, ce titre n'était pas la version définitive. Johnny a dû la réenregistrer un peu plus tard. Le prochain titre que je propose d'écouter, c'est un titre inédit qui ne figure ni sur un CD, c'est-à-dire ni sur le CD Destination Vegas, ni sur le concert qui est sorti en 2003. C'est même pas l'intégrale, donc, à la Den Theater, et ni sur aucune vidéo, on le voit pas cette chanson, c'est My Baby Left Me, une reprise donc de Elvis Presley. On écoute ça tout de suite sur RIG. Son album Destination Vegas, l'album de la semaine, avec le titre, la reprise de son pote, de son ami Eddie Mitchell sur la route de Memphis. Et juste après, nous aurons le titre Love Me Tender, à nouveau un hommage à Elvis Presley. J'écoutais le disjockey dans la voiture et qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile, oui, qui m'endormait. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.

And I always will. Version de Love Me Tender réorchestrée, réarrangée un peu plus tard. Voilà. À l'issue de Que je t'aime, dédié à Laetitia, c'est une fois revenu dans sa loge qu'il apprend la présence de Paul Anka qui l'attend sur scène. L'adaptateur en anglais du comme d'habitude de Claude François, en My Way, voulait lui interpréter cette chanson réécrite à son intention. Pas prévenu, car c'était une surprise organisée par sa femme, Johnny a bien involontairement fait patienter Paul Anka de longues minutes. Je ne m'attendais pas du tout à la venue de Paul Anka. Personne ne m'avait rien dit, c'était une idée de Laetitia. Et là, Paul Anka est sur scène. Voilà. Et il dit, Johnny, where are you? Où es-tu? Et c'est comme ça pendant 4 minutes. Donc, où est Johnny? Voilà, on va accélérer un petit peu. Une minute et demie plus tard, voilà. Et toujours, où est Johnny? À présent, encore une minute plus tard. On attend toujours Johnny, qui se change dans les loges, bien sûr. Et là, Paul Anka va interpréter une chanson en disant « Où es-tu Johnny ?» et tout ça, voilà, une pure improvisation. Johnny, où es-tu encore ? Ça fait 4 minutes que Paul Anka attend Johnny sur scène. Je veux voir Johnny, voilà, oui. Johnny, on t'attend. Il appelle en vain. On va avancer encore un petit peu. Hein. Voilà, ça fait une minute et demie passée encore. Où es-tu, Johnny? Nous sommes à 6 minutes de patience. Ah, voilà Johnny qui arrive sur scène. Johnny arrive sur scène après plus de 6 minutes d'attente du public et de Paul Anka. Donc Johnny s'est changé dans les loges et pendant plus de 6 minutes et maintenant place alors au bon vieux rock, au Carole, Blue Suede Shoes, puis l'indispensable Toute la musique que j'aime, achevant sur une version acoustique de Tes tendres années. Le chanteur se bat, conscient du malaise. Il achève avec un tonique tutti frutti son tour de chant, un tour vraiment original, différent. Le public est debout, le service d'ordre américain est plus embarrassé que débordé. Vous m'avez suivi jusqu'ici pour ce concert exceptionnel. Vous êtes formidable, je vous aime, lance Johnny, qui a remporté son match en dépit des conditions. Il termine son show épuisé. Pourtant, si c'était à refaire, il recommencerait. À la sortie du show, le public est déçu, certains ont même les larmes aux yeux. À minuit, au 63e étage du Riviera, Johnny, en veste blanche et pantalon de cuir noir, vient saluer les organisateurs et quelques invités privilégiés. Laetitia se presse contre lui, pas totalement satisfait de sa prestation, il parle de son stress. Jean-Pierre Foucault reconnaît « J'ai été pris à partie par certains fans déçus après le show. On m'a dit « Si vous voyez Johnny, dites-lui que… » Le lendemain, il lui avait pardonné. Mais avant de finir un peu cette émission, on n'a pas encore fini. On va écouter « Rouler sur la rivière » et « Jolie petite rock'n'rolleuse », extrait de l'album de la semaine « Destination Vegas ». un fiasco total, griffonneront les pubs acerbes qui ne manqueront pas d'ironiser sur les trois chansons d'ouverture. Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs. Rock'n'Roll Man et La Terre Promise. En fait, de Terre Promise, malgré une prestation irréprochable au vu des circonstances, le chanteur lui-même a conscience d'avoir plutôt accompli une difficile traversée du désert, d'un désert du moins, où il s'est senti par moments bien seul et sans doute pressé d'en finir. À ses fans inconditionnels venus de France et de Belgique, ayant cassé leur tirelire pour partager avec lui ce rêve américain, Johnny aura ces quelques mots. Vous êtes formidable. Et de corriger aussitôt, non. Vous êtes le public le plus extraordinaire du monde. Je vous aime. Et ce public extraordinaire pouvait lui répondre qu'il aime aussi tellement fort qu'il n'a pas été déçu du voyage. Comme certains journalistes le prétendront. Que le simple fait de le voir et de l'entendre suffit à son bonheur. Mais Johnny est un professionnel et il s'en veut de ne pas avoir donné le meilleur de lui-même. Après le show, il a besoin de se réfugier seul dans sa suite de l'hôtel Riviera. Ce n'est qu'une heure plus tard qu'il apparaît les yeux humides au dîner offert par RTL, Mercury et TF1. Je vous remercie du fond de mon cœur, se croit-il obligé de dire. Comme je remercie mon public extraordinaire. Sans lui, sans vous, je n'existerais pas. Vegas restera, quoi qu'il en soit, une grande, une belle aventure affective. Voici deux autres titres de ce live. Non, il ne figure pas dans Disney en Vegas, mais sur le live Aladdin Theater, sorti en 2003. La musique que j'aime, et après nous aurons aussi des tendres années. C'est ma prière pour te garder. Tu veux de la musique que tu Oh oui, tu sais qu'elle vient de là, elle vient de... Oh, elle vient du... Oh, elle vient de plus... Je vais quand même vous chanter une chanson que vous puissiez chanter avec moi. Celle-ci, ça commence comme ça. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort. Coup de cortisone et c'était reparti. Après le show en coulisses, c'est la panique. Le matériel à capter pendant ce concert est quasi inutilisable tant la voix de Johnny est abîmée. Et la production du disque est enclenchée, mais Johnny sait rebondir. Trois jours après, il est à Los Angeles, sa voix retrouvée, il entre en studio et refait les voix de la quasi-totalité des nouveaux titres. Une course contre la montre s'engage et, miracle, le 12 décembre, l'album est dans les bacs. Courant décembre, l'artiste enverra une longue lettre aux fans du voyage dans laquelle on peut lire « Je vous dois quelques explications car j'ai bien compris qu'un certain nombre d'entre vous avaient été un peu déçus par cette soirée à l'Aladin ». Il poursuit en incriminant cette maudite trachéite qui tombait mal et la rigoureuse législation du spectacle aux États-Unis qui ne lui a pas permis de présenter un spectacle plus grandiose. Au sujet de son tour de chant volontairement pur et dur, il enchaîne. Si je me suis trompé de direction, croyez-moi, j'en suis désolé, mais je souhaite fermement que vous me conserviez votre fidélité et votre amour, de la même manière que j'éprouve pour vous la loyauté et l'amour. Je suis et je serai jusqu'au bout votre homme. Cela dit, avouez quand même que c'était un formidable voyage. Avec le recul, Johnny rectifie le tir. Quelques journalistes ont été peut-être été déçu, hein, pas les fans dans leur majorité. Ce show à Las Vegas n'a pas été une catastrophe contrairement à ce qu'il a été dit ou écrit par certaines mauvaises langues. J'avais prévenu que je faisais un spectacle pour les amateurs de rock'n'roll pur, tel qu'on en faisait à l'époque, avec des classiques du rock comme Tutti Frutti. Je me suis bien amusé dans ces moments de rock'n'roll que j'ai aimé faire, et ceux qui étaient au premier rang, eux aussi, ont semblé s'amuser. Voici deux extraits présents de l'album de la semaine Destination Vegas. Voici Money Money, la reprise de Money Honey. Et après, nous aurons aussi la reprise de Bob Seger, Like a Rock, selon Philippe Labro, comme un rock, bien entendu. Vous écoutez RIG, toujours RIG, sur dans l'émission Johnny de A à Z. Ça fait 3 mois que j'attends ton loyer. Moi je veux de la money, money. Du money, money. Money, money. Envoie la money si tu veux qu'on reste amis. Aller trouver le blé pour le lendemain. J'ai appelé celle qui m'a promis sa main. Je l'ai réveillée, oui, au milieu de la nuit. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit bonsoir ma chérie, je veux de la money, money. J'étais jeune, j'avais pas 20 ans. J'étais increvable, j'avais tout mon temps. J'avais toute ma force, on ne pouvait pas me bouger comme un roc. J'avais 20 ans, les choses étaient claires. J'ai trouvé une femme. Une femme que j'aimais, il n'y avait pas de mystère, un amour très fort, comme un roc. Les deux mains valides, tranquilles et solides, j'avais tout construit, oh, et dans ma vie, il y avait toi et moi. Je me tenais tout droit comme un roc. Comme un roc, j'avais confiance en la vie. Comme un roc, il pouvait rien m'arriver. Mais comme un roc, 20 ans, les choses étaient claires. J'ai trouvé une femme que j'aimais. Il n'y avait pas de mystère, un amour très fort, comme un roc. Le 29 novembre 1996, TF1 consacre sa soirée à cet événement en réalisant le meilleur score de 31,4% de part de marché. Oui, il diffuse le concert de l'Aladdin Theater. Et le réalisateur Gilles Amado, qui a employé 11 caméras pour couvrir cet événement, explique que les techniciens ont travaillé durant près de 9 mois. Nous avons eu une réunion préparatoire dès le mois d'avril à Las Vegas. Personnellement, j'y ai séjourné pratiquement un mois pour les repérages et j'ai perdu pas mal d'argent dans les machines à sous. Dans cette émission, avant le concert, les sites touristiques et magiques de Las Vegas sont présentés par Jean-Pierre Foucault, Lynn Renault et Laetitia. On peut voir à l'arrivée des fans à bord des vols spéciaux ainsi que Johnny s'échauffant en répétition. À l'approche des fêtes de fin décembre, de fin d'année, oui, le CD Destination Vegas débarque chez les disquaires le 12 décembre. Ce disque réconcilie définitivement, si besoin était, le chanteur avec les vrais amateurs de rock, ceux qui avaient vibré à l'écoute du miraculeux 33 tours, les rocks les plus terribles de 1964 et de l'éblouissant Rock à Memphis en 1975. Le sublime La Ville des âmes en peine est sorti en avant-première en CD single le 9 décembre. Le 15 décembre, Destination Vegas est numéro 4 au top album. On peut lire dans Télé 7 jours, Johnny n'oublie pas les absents de Las Vegas, même si ce n'est pas le disque de son concert unique sur la scène de l'Aladdin Theater, le 24 novembre dernier. Destination Vegas rassemble les chansons interprétées là-bas en exclusivité du rock, rien que du rock, les pionniers et ceux qui continuent à prêcher les bonnes paroles. Deux titres pour terminer cette émission spéciale Aladdin Theater et album de la semaine Destination Vegas. Voici Blue Sweat Shoes et Tutti Frutti. From a whole food job. Doing a thing that you wanna do. I'm a man, see what you want to do. Step up my blue sweat shoes. But if you know the thing that we offer, my blue sweat shoes. For the money, two for the show. Go, go, go, don't you step on my blue sweat shoe. Vous êtes formidable. À bientôt pour ça. S'achève cette émission spéciale Destination Vegas, l'album de la semaine. Oui, et puis aussi en même temps, on a eu droit à plusieurs titres de l'Aladdin Theater de ce fameux 24 novembre 1996. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny, bien entendu. Merci encore à tous pour votre présence, votre participation et l'écoute évidemment de cette émission. Et bientôt, vous la retrouverez en podcast. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.